La KS qui me dit de patienter. Passe en tôle et tu me rends par centaines. Je m'en tape de l'oseille tant que j'ai la santé. Y'a personne qui décroche quand la mort t'appelle. Je suis d'un fort d'Auteuil, je fais pas la fête, j'arrache un portefeuille. Mes couilles je les porte et je les porte seul. Je sais que le temps passe dans le miroir, je vends mon cercueil. Reste tranquille, t'es qu'un guetteur trimard. Des baffes tu vas en manger dans ta vie. Je pense à mon ex dans un état ivre. Rally rapta dans un coin de ma ville. Dépêchez-vous, je la connais bien la sortie de secours. Elle sort pas mon blast dans ta garde à vue. Y'aura des coups de crosse au prochain rendez-vous. Vous me rendez fou. Bande de trous du cul, vous savez rien faire, donc asseyez-vous. Je mène une vie d'artiste et une vie de youth. Le berlingot pisté par les chouves. Je rame une clope pendant que le couteau chauffe. Et sauf qui peut, après le braco, bah c'est tout sans chaud. Je range sur une barre et quand je réalise pas. Et surtout me questionne pas, je connais très bien l'histoire. Et dedans je ferme les stores, coup de feu en bas de chez moi. Peut-être un mort ce soir, un autre qui rentrera pas. Surveille pas nos sœurs, enculé ta mère la salle. Pute, surveille bien ta fille, je veux m'en parler vite. L'enveloppe me paraît vide, à minuit zéro uno dans la ville. Hey. Et surtout, me fais pas le coup du quelle heure est chill. Je vais arrêter, tu la main, ils m'ont coupé le bras. Partons pour aller crosser le boss. C'est trop sale pour te raconter l'histoire. Je les laisse raconter ce qu'ils pensent. Moi, je préfère prendre mes distances. Mais ces petits pédés me disent tous. Ils sont jaloux, mais ils t'aiment tous. Allez leur dire que moi, je les déteste tous. Dans le 50K, je détaille 50 grammes. C'est à 50 gars, bah ça sent le drame. Je suis dans tous les checks, je suis dans toutes les villes. Ainsi va la vie, je n'y croyais pas. Encore une fois, je suis passé dans les endroits les plus étroits. Je parle au pétard quand je le nettoie. Et je vois le guetteur posé sur le toit. Je range sur une barre et quand je réalise pas. Et surtout me questionne pas, je connais très bien l'histoire. Et dedans je ferme les stores, coup de feu en bas de chez moi.